Point final. Beaucoup d'appels, Jacques, Norbert, José et maintenant Rico. Alors, vous avez directement été interpellé, Monseigneur Lafont. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ensemble ce soir pour parler de la science ou la Bible. Qui dit vrai? Alors, réponse par rapport à tout ce qui a été dit, Monseigneur Lafont. Bien sûr, je crois en Dieu. Je crois en Dieu de toutes mes forces, je crois en Jésus-Christ de toutes mes forces. Et je crois que Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant, je crois que la manière dont la Genèse la raconte, c'est une manière imagée. Je crois en Jésus, mais la parabole du bon samaritain, je sais que c'est une histoire qu'il a inventée pour nous faire comprendre quelque chose, qu'il fallait se mettre au service les uns des autres. Et je crois que le livre de la Genèse est une manière imagée de nous faire comprendre que tout vient de Dieu, que nous avons tout reçu de Dieu, que tout est bon sur la terre, mais que nous sommes aussi responsables de notre vie, de notre destin, par la responsabilité et la manière dont nous exerçons notre liberté. Et je rappelle à Rico qu'il y a eu le chapitre 1 de la Genèse dont il vient de parler, qu'il lise le chapitre 2 et il verra que les choses sont un peu différentes et que par conséquent, il ne faut pas prendre pour des vérités historiques ce qui est écrit dans un livre de sagesse, un livre qui utilise beaucoup d'images. Mais je crois en Dieu de toutes mes forces. Je crois que personne ici ne peut me retirer cette foi et cet amour de Dieu. Messieurs, vous les scientifiques, par rapport à tous ces appels, alors, donc, vous avez des réponses à apporter à nos auditeurs? Alors, j'avais un élément... Olivier Marnette, oui. Oui, un élément qui concerne en fait la question des intentions dans la nature. La science adopte un positionnement. Elle se doit à une certaine objectivité. Elle essaye de, bizarrement, être assez froide et de ne pas prêter d'intention, de but aux événements qu'elle observe. Et qu'elle observe, j'ai envie de dire, froidement. Avec tout le côté merveilleux et la complexité de ce que ça sous-entend, mais... Il faut prendre une certaine distance par rapport à l'objet d'étude. La science, somme toute, n'a pas pour objet d'étude l'existence de Dieu. Elle se refuse à se poser la question. Cette question est plutôt de l'ordre de l'humain. Le scientifique reste un humain. Et ces questions le tiraillent peut-être parce qu'il est humain. Dans sa pratique scientifique, il ne se pose pas la question de pourquoi l'homme a créé le dinosaure. Pourquoi l'homme a tué le dinosaure. Enfin, l'homme, pardon. Pourquoi la nature a fait en sorte que le dinosaure apparaisse. Elle décrit l'apparition des dinosaures il y a moins de 200 000 ans. Elle cherche des causes à leur extinction il y a moins 60 millions d'années. Excusez-moi, je perds mes mots. Mais ne se pose pas la question du pourquoi ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'intention mauvaise ou bonne. Augustin Constantin. Alors moi, je dis que la science, c'est un bien commun de l'humanité tout entière, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses convictions. Alors, je rappelle tout de même que nous sommes 7 milliards d'humains et que dans ces 7 milliards d'humains, il y a de grandes religions. Il y a 2 milliards de chrétiens, dont 1 milliard de catholiques. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes. Et la il n'y a qu'une seule science. Comment ? Il n'y a qu'une seule science. Et il n'y a qu'une seule science. Quoique les développements scientifiques sont parfois censurés par les convictions religieuses. Il y a certains scientifiques qui peuvent s'interdire de penser telle ou telle chose. Attendez. Voilà. Alors, Monseigneur Lafont, il y a des... Donc, quelquefois, on peut censurer la science parce que ça va trop loin, ça montre trop de choses? Non, je pense qu'il y a des gens qui, en raison de leurs convictions religieuses, n'ont pas compris la distinction entre la science et la foi. Je pense qu'il peut y avoir des moments où des scientifiques ont extrapolé leur capacité d'expliquer l'univers. Mais ça, ce sont des exagérations ou des mauvaises interprétations du rôle de chacun. En tout cas, le rôle de Guyane Première, c'est de vous inviter surtout à participer au débat. Vous l'avez fait ce soir. Ça continue ce débat jeudi, messieurs, c'est ça? Rappelez-nous l'heure, le lieu. Donc jeudi, à 18h, au campus Troubiran, derrière le rectorat, vous allez vous diriger vers le bâtiment E. Bâtiment très bien indiqué. Tout le monde est invité. Je crois que l'invitation émane de l'aumônerie catholique de l'université de Cayenne et nous sommes invités par cette structure. J'y réponds en tant qu'organe de vulgarisation scientifique et enseignant et scientifique convaincu. Merci messieurs. Dans quelques secondes, France Info, prochain numéro de Point d'interrogation. C'est demain soir, on va parler de Rochambeau remplacé par Félix Séboué. Ça vous inspire quoi? Demain soir, 19h, 18h20, 19h sur Guyane Première. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.